je garde les mêmes bases, les mêmes valeurs depuis 10 piges. Je traîne dans mon sillage, réflexion, pensées et analyses. Des épisodes foireux aux plus belles romances. Je suis ce que j'ai fait, aucun regret, il faut que j'avance. À statuer sur son sort, on finit vieux et gris. Pendant que les potes se pressent à gonfler la démographie. Pour ne pas être spectateur, on se prend au jeu. On se prend au moins le chou, on se prend à être heureux. Un brin nostalgique quant aux photos d'antan. Ce visage d'enfant vit toujours dedans. Rien n'arrête le temps, même pas les cures de Botox. Sa loi nous dépasse tous, du plus Richard au plus Crotox. Hier j'avais 7 ans, l'innocence incarnée. Aujourd'hui j'en ai 28, c'est le crâne un peu dégarni. J'kiffe la vie avec simplicité. Une feuille, un stylo, un bouquet de roses, de l'amitié. Je veux pas être seul sous l'emprise de mes chimères. Un combat intérieur, qu'aurais-je fait de bon si demain je meurs? Les convictions l'emportent sur ma condition. Dans le fond, je conserve cette âme de petit garçon. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. On me dit, petit garçon, il est l'heure d'arrêter de rêver. On me répète, petit garçon, t'en fais qu'à ta tête. C'est l'heure de grandir, j'ai pas ma place dans le monde adulte. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. On me dit, petit garçon, il est l'heure d'arrêter de rêver. On me répète, petit garçon, t'en fais qu'à ta tête. C'est l'heure de grandir, j'ai pas ma place dans le monde adulte. Les rêves subsistent quand l'enfant pousse vite. On se construit une conscience malgré l'amour du risque. On voit ce qu'on perd et mort de peur. On s'accroche au confort fourni par l'effort du labeur. Le prince devient farce, la fable foutaise. La femme devient garce quand ses espoirs se brisent. Le pèse monopolise les esprits les plus vastes. Et le sexe mobilise même les corps les plus chastes. Le taf un passe-temps quand perdre son temps est un luxe. Les pensées sont présentes ailleurs que sous un Velux. Accoudé à une table, je nourris ma part d'ignorance. Et repense à ses instants cruciaux émanant d'enfance. Je m'attache à ce gosse comme un palestinien à sa terre. Me l'enlever c'est me couper l'air, me l'arracher c'est me crever le cœur. Écœuré parce que le système me sert, je me permets le droit de rêver à n'importe quelle heure. Je vois le monde avec mes yeux de môme, m'affranchissant de leurs barrières, de leurs contraintes et de leurs fantômes. Prêt à tout pour te ramener sur le droit chemin, dans un univers froid, garant de tout destin. Alors je me fais clandestin, résistant magicien, militant pacifiste, artisan de mes lendemains. Mélange songe et acte pour pouvoir me faire la pelle. Mais cette voix incessante dans ma tête me rappelle. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. On me dit, petit garçon, il est l'heure d'arrêter de rêver. On me répète, petit garçon, t'en fais qu'à ta tête. C'est l'heure de grandir, j'ai pas ma place dans le monde adulte. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. On me dit, petit garçon, il est l'heure d'arrêter de rêver. On me répète, petit garçon, t'en fais qu'à ta tête. C'est l'heure de grandir, j'ai pas ma place dans le monde adulte. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. On me dit, petit garçon, il est l'heure d'arrêter de rêver. On me répète, petit garçon, t'en fais qu'à ta tête. C'est l'heure de grandir, j'ai pas ma place dans le monde adulte. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. On me dit, petit garçon, il est l'heure d'arrêter de rêver. On me répète,